Bienvenue à tous dans la première session de notre programme en ligne « Guérir les traumas » avec le Dr Peter Levin. Mon nom est Randy Rourke, je suis producteur chez Sunstrue et je serai votre hôte. Alors Peter, votre nouveau livre sur la guérison des traumas est sorti, je crois. C'est exact, il a officiellement vu le jour. Pouvez-vous nous parler un peu du contenu de ce livre? Quel était l'objectif de ce travail? Eh bien, le livre est vraiment... Il s'agit de l'œuvre de ma vie. C'est personnel, c'est scientifique, et si j'ai réussi, ce que je crois avoir fait, ce sera une lecture passionnante. Je suis vraiment impatient de voir la réaction des gens qui le liront maintenant qu'il est sorti. Mais quand je pense à ce livre, je pense surtout à la façon dont je le commence, pourquoi je m'y suis mis. Bien sûr, pour n'importe qui, quelque chose peut arriver sans crier gare, et tout à coup, on n'est plus le même qu'avant. Quelque chose craque, quelque chose se brise. Et la question est alors, que pouvons-nous faire pour restaurer notre équilibre, notre santé mentale? Il y a 5 ans ou 6 ans, je sortais de ma maison en Californie du Sud. C'était un de ces jours parfaits, un jour où vous savez que rien ne peut mal tourner, rien de mauvais ne peut arriver. Mais c'est arrivé. Ce jour-là, j'allais rendre visite à mon ami Butch pour son anniversaire à Los Angeles. Et ce jour-là a juste mis en relief ma démarche. Je traversais la rue et un camion était garé là, ou s'était arrêté au stop. À cause de ça, le jeune conducteur qui arrivait dans l'autre sens n'a pas pu me voir traverser et j'ai été percuté à 40 km/h. La raison pour laquelle je commence avec cette histoire est que j'ai été propulsé dans une situation où j'ai dû utiliser tous les outils que j'enseigne depuis 40 ans et j'ai dû être à la fois humble et reconnaissant d'avoir été choisi pour présenter cette information qui, je pense, est une sagesse ancienne. Je pense que l'approche pour guérir le trauma que je décris dans le livre, même si nous pouvons vraiment l'observer d'une manière scientifique et clinique, provient d'anciennes traditions de guérison qui remontent peut-être aux Celtes de l'âge de pierre. Quoi qu'il en soit, ce livre raconte comment j'ai été aidé pour traverser cette épreuve, comment j'ai retrouvé l'équilibre pour que je ne développe pas de symptômes de trauma comme le SSPT, que j'aurais très facilement pu avoir. Le reste du livre détaille, étape par étape, cette façon de voir le trauma, de le percevoir, de travailler avec lui, de le transformer, de le guérir, ainsi que ses dimensions spirituelles. C'est le travail de toute une vie qui est contenu dans ce livre. En tout cas, merci de m'avoir posé la question. Eh bien, félicitations. Beaucoup de questions nous sont parvenues de personnes qui ont suivi le programme jusqu'à présent, et beaucoup d'entre elles sont très émouvantes. Je veux commencer par une question des Pays-Bas, d'Asta. Elle dit « Après les sessions, j'éprouve parfois la honte et des regrets de ne pas avoir fait les choses correctement ou de ne pas être allé assez loin dans les sessions. Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?» Oui, je peux. Je suis très heureux que vous ayez posé cette question, parce que je vous garantis qu'il y a beaucoup, la majorité j'imagine, de gens qui se disent « Oh, Dieu merci, elle a posé cette question. » La honte est une partie intrinsèque de tout trauma. C'est une façon de nous expliquer à nous-mêmes, de trouver une raison à ce qui est arrivé. En d'autres termes, il est en quelque sorte préférable de croire que nous en sommes la cause plutôt que cela nous est arrivé par hasard, parce que, de cette façon, nous n'aurions eu aucun contrôle. Il existe toutes sortes de traumas liés à la dynamique interfamiliale, à la maltraitance, à l'abus, à la violence, où l'enfant est amené à se sentir mal, à ressentir de la honte. C'est la honte que l'agresseur devrait ressentir. J'ai une façon particulière de travailler avec ça, et je vais essayer de le présenter comme un exercice que chacun peut faire avec nous, avec Asta. Donc, si vous êtes assise et que vous imaginez le mot « honte » ou « avez honte de quelque chose », je veux que vous remarquiez ce qui se passe dans votre corps. Qu'arrive-t-il à votre posture? Qu'arrive-t-il à votre respiration quand vous pensez au mot « honte » Quand vous avez cela, alors très lentement, juste un tout petit peu à la fois, laissez votre corps aller là où la honte voudrait amener votre corps, votre colonne vertébrale, vos épaules. Mais faites-le seulement un petit instant. Allez juste un peu dans cette direction, et puis retournez dans la direction opposée. Physiquement, avec la conscience de vos sensations, touchez doucement le bord de la honte avec la posture de votre corps, avec le mouvement de votre corps, en vous permettant d'y aller juste un petit peu plus en profondeur. Et puis, quittez-la lentement. Remarquez ce qui change. S'il y a un changement dans la honte, ou s'il y a une image ou un souvenir qui vous vient à l'esprit. C'est un exercice que vous pouvez bien entendu pratiquer par vous-même, plutôt que de le faire pendant ce programme. Mais c'est un exercice très simple, et il peut être extrêmement efficace, parce que la honte est l'une des émotions les plus difficiles à gérer. Elle l'est vraiment. Comme je l'ai déjà dit, elle est commune à toutes sortes de traumas. Que nous soyons assis dans une voiture et quelqu'un nous tamponne par derrière, c'est en quelque sorte mieux de croire, plus facile de croire que nous avons causé ce qui est arrivé, même si c'est absurde. Ou on nous a fait ressentir de la honte avec des remarques inappropriées, dans des relations inappropriées dans la famille ou avec les amis. De toute façon, quand vous travaillez avec la manifestation physique de la honte dans votre corps, il faut simplement la sentir, la ressentir physiquement. Remarquez s'il y a des pensées qui y sont associées. Remarquez-le simplement. Quelque chose qui ne devrait pas être là. Encore une fois, laissez votre corps bouger. Peut-être que votre tête se baisse, peut-être que vos yeux se détournent et regardent vers le sol. Bougez juste un peu et puis dites « Ok, laissez-moi revenir en arrière. Je vais retourner dans la direction opposée pour sortir de cette sensation de honte. » C'est un exercice très, très important. Encore une fois, Asta, merci beaucoup d'en avoir parlé. Je pense que je parle au nom de toutes les personnes en ligne. Oui, c'était une bonne question. J'en ai une autre. Aussi de la part de quelqu'un qui est accablé par ce qu'il semble être une vie entière de trauma. Elle vient de l'Oregon, d'Alexandra. Pourriez-vous, s'il vous plaît, parler de la façon dont une personne guérit d'une longue série de traumas sans revenir à chaque événement individuellement ? Oui. Oh, bon sang, encore une fois, des questions très très importantes, très importantes. Oui, il y a un monde de différence. Eh bien, il y a une grande différence entre des traumas relativement discrets, nous avons un accident où nous sommes effrayés, ou ressentons une grande douleur et de la détresse lors d'un examen médical ou autre, et puis il y a le stress permanent, chronique, dégradant, corrosif, le stress et le trauma que, malheureusement, beaucoup de gens subissent dans leur vie. C'est important de cultiver l'autocompassion et d'être particulièrement compatissant en prenant le temps dont vous avez besoin pour traverser ces sensations, ces émotions. Je suis sûr que vous pouvez tous faire tout cela par vous-même. De plus, il est peut-être très utile et même vital de travailler aussi avec un thérapeute. Vous pouvez aller dans l'annuaire de l'Association des praticiens francophones de Somatic Experiencing, www.apf-somatic-experiencing.com, et vous pourrez trouver des professionnels dans votre région. Je vous suggère de parler à certains. Laissez-les être la ressource pour que vous obteniez vraiment ce que vous méritez et ainsi complétiez la guérison. Quant à ne pas avoir à revivre tous les souvenirs, dans notre façon de travailler avec la Somatic Experiencing, les souvenirs peuvent être importants. Ils peuvent être utiles, même si nous ne revivons pas chaque souvenir, chaque douleur. Je me souviens avoir vu une interview peu après l'implosion de la Yougoslavie. Une psychiatre était interviewée. Elle allait de village en village pour demander aux femmes principalement de revivre toutes ces choses horribles qui leur étaient arrivées. Voir leurs maris tués, voir leurs enfants violés devant elles, des choses horribles. La journaliste était, je suppose, un peu étonnée. Innocemment, elle a demandé « Est-ce que ça les aide ?» Le psychiatre a répondu « Eh bien, mes patients me demandent la même chose. Je continue de leur dire qu'ils doivent se souvenir de tout. » Je pense que dans une situation comme celle-ci, vous pouvez clairement voir que cela ne va pas être utile. Cela va juste être retraumatisant. D'ailleurs, le titre de mon livre se base sur ça, Guérir par-delà les mots, comment le corps dissipe le traumatisme et restaure le bien-être. La clé est de passer par le trauma ou entrer en contact avec le trauma et ensuite entrer dans la bonté, d'aller dans la contraction et s'ouvrir à l'expansion. C'est en un mot ou deux en quoi consiste cette approche. Donc, je vous souhaite vraiment de réussir et de trouver le meilleur soutien possible pour travailler sur ce trauma plus complexe. Comme je l'ai déjà dit, c'est très différent. Le travail avec un bon thérapeute est inestimable. J'ai quelqu'un qui a le problème opposé. C'est Sharon. Elle dit, si je comprends bien, le processus de renégociation inclut la reconstitution du trauma. Avez-vous des suggestions ou des commentaires sur la façon de réactiver un trauma dont on ne se souvient pas ? Par exemple, dans le cas d'un viol avec usage de drogue ou dans le cas de chirurgie. Ok, oui, le viol, les drogues et les choses comme ça. Et la chirurgie, a-t-elle également mentionné ? Et les opérations chirurgicales. Oui, ce sont des souvenirs stockés dans ce qu'on appelle les parties implicites ou procédurales du système de mémoire dans le cerveau et le corps. Ils sont complètement différents de ce qu'on appelle la mémoire déclarative. Donc, vous savez, je me souviens d'être allé au magasin, ou je devrais me souvenir d'être allé au magasin et d'avoir acheté ceci, cela et d'autres choses, et ou avoir une longue liste de choses à faire. Le genre de souvenir qui se produit dans un trauma, ou le genre d'empreinte de l'expérience qui se produit dans un trauma, est un système physiologique très différent. Laissez-moi vous donner un exemple rapide. Il aborde deux sujets aussi, je pense qu'il les relie. Il y a quelques années, juste avant la dernière intifada au Moyen-Orient, je donnais une formation à Jérusalem pour les professionnels de santé mentale israéliens et palestiniens. Quelqu'un a posé la même question que Sharon. Eh bien, que se passe-t-il si vous ne pouvez pas vous souvenir de cet événement ou si vous ne savez pas quel est cet événement? Comment travaillez-vous avec cela? J'ai dit, réfléchissez si vous avez toutes sortes de symptômes ou toutes sortes de comportements, une phobie, quelque chose que vous évitez ou quelque chose qui vous attire et vous réalisez que ce n'est pas bon pour vous. Ce sont tous des symptômes possibles. Ce que nous voulons faire, c'est travailler sur ces symptômes. Cet homme, qui est un psychanalyste très célèbre, a dit qu'il avait mal au dos depuis 30 ans. J'ai dit, eh bien, je suis heureux d'étudier cela avec vous. Il a été en mesure, avec mes conseils, de sentir la tension sous-jacente à la douleur. Avant, il ne pouvait que sentir la douleur. Donc, on a un peu travaillé et il a été capable de sentir la tension. Alors que nous continuions, la tension est devenue asymétrique. On approchait d'un moment décisif. Puis, il a dit qu'il avait des vertiges et qu'il avait peur de s'évanouir. Je l'ai soutenu et lui ai assuré que tout irait bien. Il s'est senti tomber. Il a ensuite eu des images de quand il a été attaqué. Quand il était médecin militaire, sa caravane a été attaquée. Il a vu des choses horribles. Pendant la session, il était secoué. Il tremblait. La sueur coulait de son corps. Après, j'ai parlé aux gens dans la classe, parce que je pouvais voir qu'ils étaient très profondément émus, parce qu'il était clair qu'ils s'étaient libérés. La douleur était beaucoup moins intense. Il s'était libéré de son trauma grâce à son corps. Cette femme, palestinienne, une belle femme, je me souviens qu'elle était habillée avec un costume gris. Et elle s'est levée et a dit « Chaim, quand le docteur Levin a proposé de travailler avec vous, je ne vous souhaitais que des mauvaises choses, parce que je vous détestais. Je déteste le peuple juif, parce que vous avez torturé mon peuple. » Vous avez tué mon peuple, vous avez humilié mon peuple. Mais quelque chose s'est passé quand j'ai suivi dans mon propre corps ce qui se passait avec vous. J'ai ressenti une profonde compassion pour nous tous. J'ai réalisé que tant que nous ne trouvons pas la paix en nous-mêmes, nous ne trouverons jamais la paix les uns avec les autres. Wow. Ça nous amène aux aspects sociaux du trauma. J'avais éventuellement prévu de faire un enregistrement sur ce thème avec Sounds True. Bref. Maintenant, l'utilisation de drogues. Les drogues et les opérations chirurgicales sont plus difficiles parce qu'elles impliquent des états de conscience altérés. Encore une fois, je recommande de travailler avec un thérapeute qui a de l'expérience dans ce domaine. J'enseigne actuellement, pour les personnes qui ont suivi notre programme, un cours intitulé « Dans l'œil de l'aiguille, travailler avec les états de mort imminente et d'anesthésie ». Donc, je forme mes étudiants pour qu'ils soient capables de travailler plus efficacement avec ce genre d'expérience. J'espère donc que cela vous donne quelques réponses, Sharon. Encore une fois, c'était une excellente question. Oui, je vais passer à une question de Fanny de Denver. Elle voudrait comprendre la différence entre la dissociation et la réponse d'immobilité. Elle dit « Les deux me semblent identiques en ce qui concerne la façon dont elles sont présentées dans le corps. Comment les deux réponses, la dissociation et la réponse d'immobilité, sont-elles liées ?» Vous m'épatez vraiment. On a des excellentes questions les unes après les autres. Je vais vous dire, je ne sais pas si je peux répondre à cette question aussi facilement, bien que je l'aborde dans le nouveau livre. Je le fais, et un de mes collègues, Onno van der Hart, est un acteur majeur en matière de dissociation. Lui et Bessel van der Kolk. On a des excellentes questions les unes après les autres. Je vais vous dire, je ne sais pas si je peux répondre à cette question aussi facilement, bien que je l'aborde dans le nouveau livre. Je le fais, et un de mes collègues, Onno van der Hart, est un acteur majeur en matière de dissociation. Lui et Bessel van der Kolk. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de types de dissociation. Dans l'accident que j'ai décrit, où j'ai été percuté par une voiture, je flottais au-dessus de mon corps à un moment. Je regardais en bas et je voyais l'ambulancier. Je me voyais moi-même étendu dans la rue. C'est un type de dissociation. Je pense que c'était Alexandria qui le disait. Quand vous avez un trauma répétitif, des parties de la personnalité se séparent les unes des autres. Des parties de la physiologie et de la personnalité commencent à former des sortes d'îlots semi-autonomes. Donc, la dissociation a une continuité, et c'est une réponse psychosociale et biologique complexe. J'aborde plutôt la partie biologique, c'est-à-dire l'immobilité. Quand vous êtes dans la réponse d'immobilité, vous vous sentez comme si vous étiez hors de votre corps. Dans ce sens, elles sont très étroitement liées. Mais avec les traumas plus complexes, où il y a une rupture, un éclatement de la personnalité et où la formation de ce qu'on appelle des états du moi fonctionnant de manière semi-autonome, ou ce qu'on appelait autrefois alter. Je n'aime pas ce terme. Vous écrivez A-L-T-A ? Non, avec E-R. C'est comme si vous aviez plusieurs personnalités. Ok, je vois. Oui, c'est vrai, désolé. Donc, de toute façon, oui, à un niveau fondamental, physiologique, psychophysiologique, biologique, la dissociation et l'immobilité, la dissociation est un peu comme la partie psychologique de l'immobilité. D'accord. J'ai ici une question de Marie, du Maryland, qui dit « Je me suis inscrite à ce cours pour guérir un trauma d'enfance qui est le résultat d'un père alcoolique. » Après avoir suivi la première session de ce cours, je réalise maintenant que certains des accidents de voiture et des ouragans que j'ai traversés pourraient aussi contribuer à mon trauma en général. Comment puis-je travailler avec ces multiples niveaux de trauma? Est-il préférable de les travailler un par un, ou dois-je le faire collectivement? Certains exercices sont plus utiles que d'autres pour gérer les traumas multiples. Mon Dieu, je vous le dis, je suis époustouflé. Encore une fois, ce sont des questions très importantes. Je vais essayer d'y répondre brièvement. Oui, l'environnement imprévisible et peu sécurisant de parents alcooliques, la violence ou d'autres comportements, bien sûr, cela a un impact énorme. Et parfois, il peut s'avérer que les accidents de voiture et les catastrophes naturelles peuvent être aussi traumatisants, ou traumatisants d'une autre manière. Comment travailler avec ça? Eh bien, encore une fois, quand je travaille avec les patients, je travaille vraiment pour les aider à devenir plus forts dans leur corps. Je ne veux pas dire comme l'haltérophilie, mais pour obtenir la stabilité. C'est cette capacité à traverser, surmonter des sensations et des émotions difficiles, sans travailler spécifiquement avec le contenu. Ensuite, une fois que la personne est stabilisée et qu'elle est capable de travailler avec ce contenu, alors nous le faisons plus fréquemment. Nous pouvons notamment travailler avec certains de ces accidents distincts, comme l'accident de voiture. Encore une fois, je vous recommande de consulter un thérapeute formé à l'ASE. Il y en a un certain nombre dans le Maryland, je le sais. Mais je veux souligner, Marie, qu'on a tendance à associer tous nos problèmes avec cette théorie liée à ce qui nous est arrivé et qui nous a donné ces symptômes. Il est plus que probable que nous ayons tort, ou du moins que nous ayons des lacunes à ce sujet. Il y a beaucoup d'autres événements qui peuvent conduire à cela. En travaillant avec certains exercices de prise de conscience, les gens ont fréquemment des images ou des sensations, des sons, des odeurs liées à différents types de traumas. Encore une fois, l'aide d'un professionnel qualifié rend la chose beaucoup plus faisable. J'ai le sentiment que si quelqu'un s'engage dans cette direction en pensant qu'il est capable de gérer ce contenu lié à un trauma spécifique, qu'il commence à accéder à certaines de ses anciennes douleurs comme des douleurs éprouvantes, qu'il se sent submergé de quelque façon que ce soit, il devrait probablement faire marche arrière. Essayez de trouver quelqu'un qui est formé en utilisant votre site web. Donc, s'il commence à se sentir submergé, il ne doit pas poursuivre. Soyez gentil avec vous-même et comprenez que vous n'aviez pas réalisé dans quoi vous vous embarquiez lorsque vous avez commencé. Oui, oui, merci, merci à vous. C'est vrai, si à tout moment vous vous sentez submergé, ne continuez pas. Vous pourrez reprendre l'exercice plus tard. Mais si c'est toujours éprouvant, exactement comme Randy l'a dit, arrêtez et demandez de l'aide. Si vous faites déjà cet exercice, je pense que vous et le thérapeute serez très satisfaits de ce que vous êtes capable de faire pour votre propre rétablissement, votre propre guérison. Il faut faire la part des choses entre le fait d'être guidé par un professionnel qualifié et celui d'apprendre à être autonome pour gérer ses sensations et ses sentiments difficiles lorsqu'ils se présentent et ne pas être submergé. Je pense que Jill de Waterford est dans ce cas, ce que beaucoup de gens sont aussi, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec leur conjoint ou petit ami ou quelqu'un d'autre, ils travaillent avec ce contenu par eux-mêmes. Elle écrit... Je suis en fait en train de suivre ce programme avec mon conjoint pour l'aider à résoudre certains problèmes liés aux abus qu'il a subis pendant son enfance. Mais après avoir commencé, j'ai remarqué que je ressentais moi aussi un certain malaise et une certaine tension quand je lis la liste des traumas potentiels. Vous dites que la contraction est une réponse normale lorsqu'on nous rappelle des choses qui ont pu être pénibles pour nous dans le passé. Je ne me souviens de rien de précis. Mais est-il possible que j'aie une sorte de réaction de sympathie ? Eh bien, c'est ce que j'allais suggérer. Ce serait ma première idée. C'est une chose difficile. Je veux dire, dans un sens, c'est merveilleux de pouvoir travailler avec un conjoint, en particulier pour les premiers secours émotionnels. Quelle est la personne qui nous est la plus proche ? Le conjoint. Je veux dire, notre conjoint et nos enfants. Dans mon livre, « Comment aider son enfant à faire face aux épreuves de la vie », j'oriente les parents sur leur façon de guider leurs enfants pour éviter qu'ils soient traumatisés, ou de les aider à surmonter les traumas qu'ils ont subis dans le passé. Mais la difficulté est que lorsque votre conjoint, quelqu'un dont vous êtes très proche, fait face à quelque chose de similaire, parce que nous nous soucions tellement d'eux, nous prenons en quelque sorte leur tension. Oui, nous la prenons. Elle résonne en nous. Encore une fois, si votre mari est confronté à toute une histoire d'abus, je vous suggère d'obtenir une aide professionnelle. Mais aussi, continuez à faire cette pratique, en insistant particulièrement sur la pleine conscience. Vous savez, il y a une chanson de Marvin Gaye qui dit « Il en faut un pour rester seul dans le noir. Il en faut deux pour laisser la lumière briller. » Donc, j'apprécie vraiment d'entendre, Jill, que vous creusez le sujet avec votre époux. Mais en même temps, vous pouvez avoir besoin d'une aide extérieure aussi. Mais juste parce que vous avez eu ces réactions pendant le travail de votre mari, cela ne veut pas dire que ces choses vous sont arrivées à vous. Il semble que c'est une chose vraiment positive pour créer de l'intimité entre les partenaires. Pouvoir traverser ça avec quelqu'un, de le vivre ensemble, et aussi de partager cette expérience. À quel point êtes-vous proche de quelqu'un pour pouvoir partager votre trauma dans le processus de guérison ? Absolument. Ça doit être un excellent moyen de bâtir une relation. Oui, oui, absolument. En fait, ça me rappelle une de mes étudiantes, Marie Gioufra. Elle vient d'écrire un livre sur les couples du point de vue de la somatic experiencing. J'ai travaillé avec des couples en duo, mais aussi individuellement. Je les ai ensuite aidés à s'encourager et à se soutenir mutuellement. Nous sommes parfois en colère contre notre conjoint. Il y a parfois une raison à cela. Mais le plus souvent, c'est lié au passé. C'est le déclencheur. Oui, c'est le déclencheur. Si les gens réalisent cela, ils peuvent dire « Ok, c'est un vieux truc ». Voyons ça ensemble. Oui, voyons ça ensemble. Analysons tout ça. Je pense que quelque chose comme ça peut être extrêmement bénéfique pour approfondir les relations. Absolument. C'est beau d'être avec un partenaire capable de comprendre ça, de pratiquer avec lui et d'être guidé dans des moments difficiles. Y a-t-il des mises en garde à faire au couple ? D'après votre expérience, y a-t-il des choses que vous voudriez préciser si on travaille avec un conjoint qui a vécu un trauma pendant cette pratique ? N'en faites pas trop. N'en faites pas une montagne, parce que ça peut en devenir une. Parce que vous ne voulez pas que ça interfère avec vos relations normales. Mais en même temps, quand nos relations normales sont perturbées, c'est parce qu'il y a un matériel traumatique qui pointe le bout de son nez. Donc, je dirais qu'il faut garder un équilibre entre devenir le soutien, le guide, et maintenir la relation. J'ai là une question d'Indonésie qui porte sur des reconstitutions du trauma originel. Une question de Eki qui dit « En ce qui concerne les reconstitutions de trauma antérieurs, comment puis-je retrouver et aborder le trauma originel via les reconstitutions ?» Oui, une autre bonne question. Je suppose que la reconstitution est un sujet récent. Et elle essaie. Oui, c'est vrai. Très fréquemment, c'est le comportement qui nous donne la réponse. Lorsque nous avons un comportement, laissez-moi vous donner un exemple simple. Une personne a soudainement des problèmes alimentaires. Elle mange trop. Quand je lui ai demandé de décrire ce qu'elle ressentait quand elle ouvrait le réfrigérateur, elle a parlé ainsi. La porte était ouverte. Et j'étais devant le réfrigérateur. Il y avait un gâteau au chocolat devant moi, et tout à coup, il était dans mes mains, puis dans mon ventre. Donc, quand je travaille avec elle, je lui dis « Ok, dès que vous sentez que vous êtes attiré par le réfrigérateur, n'y allez pas. Mais à la place, remarquez les sensations et les émotions que vous avez dans le corps. » Vous voyez, c'est la même chose pour la reconstitution. Nous voyons le comportement, et nous devons être assez conscients, assez attentifs pour pouvoir reconnaître le trauma. Ça peut ne pas se produire en une seule session, il faudra peut-être un peu plus de temps pour que ça se manifeste. Mais quand ça arrive, alors vous pouvez dire « Ok, je suis à une fête et je suis attiré par cette personne qui s'avère être toxique envers moi. Encore et encore, je suis attiré par des personnes toxiques. » Donc, au lieu d'aller plus loin et de me présenter, ou s'il vient et se présente, alors je peux juste dire que j'ai besoin d'aller prendre l'air. Juste être seul, avec les sensations, et apprendre à les identifier. Et quand vous aurez repéré ces sensations, celles-ci vont fréquemment aller vers, je ne veux pas dire vers un événement primaire unique, mais on finira par voir quand ces schémas ont été activés et comment ils ont été générés. Donc cette conscience de soi est importante. En avoir suffisamment pour pouvoir dire, c'est de la compulsion. Je sens que je dois le faire, je suis forcé de le faire. Et ensuite dire, je vais juste prendre du recul par rapport à ça. Remarquez les sensations, les pensées, les sentiments, les émotions, les images ou les souvenirs. Je ne l'ai pas mentionné avant, mais tenir un journal est un très bon outil quand vous avez ce genre d'expérience. Vous pouvez les écrire ainsi que vos rêves. Le journal peut être extrêmement utile. Dans les documents écrits, fournis avec ce cours, les étudiants peuvent également trouver une liste de choses précises qui causent des traumas et peuvent l'utiliser comme une checklist. Ils peuvent l'utiliser sur leur propre vie. « Oui, j'ai eu ceci, j'ai eu cela, et ce sont les expériences que je peux avoir. » Joanne de Baltimore a le problème opposé. Elle a une réaction d'évitement plutôt qu'une reconstitution. Elle dit « À cause des disputes très violentes de mes parents quand j'étais enfant, j'ai une incroyable sensibilité au son. Je baisse le son où je demande à mon mari de baisser le son, même s'il n'est pas si fort. En lisant le contenu du cours, j'ai vu cela comme une compulsion à éviter plutôt qu'une compulsion à répéter, comme vous l'avez mentionné dans le contenu du cours. Bien que je reconnaisse une réaction plutôt inoffensive, auriez-vous des suggestions ou des exercices simples à proposer pour travailler sur cette tendance au silence, ou je dirais même à éviter certaines choses que je pense être dangereuses à cause d'un trauma antérieur ? Oui, Joanne évoque correctement un schéma d'évitement. Laissez-moi juste en parler de manière générale. En fait, je vais utiliser cet exemple comme un point spécifique. Je ne le fais pas habituellement. Mais il y a une chose qui me vient à l'esprit et qui pourrait peut-être vous être utile, Joanne. C'est de mettre un peu de musique à un volume confortable, de vous asseoir à côté. Montez un peu le son et voyez si ça vous convient. Ensuite, augmentez le volume jusqu'à ce que vous commenciez à ressentir de l'inconfort. Vous voyez, c'est vous qui contrôlez la situation. C'est vous qui montez le volume. Quand vous arrivez au niveau qui vous crée du malaise, alors faites une introspection. Faites les exercices que nous avons décrits dans le cours. Remarquez comment la musique vous apparaît alors. Si vous pouvez augmenter le volume, en d'autres termes, si vous arrivez à un volume qui vous met mal à l'aise, alors arrêtez la musique. Travaillez avec les sensations de votre corps. Prenez du temps pour le faire. Puis remettez lentement le volume et voyez si c'est différent. En faisant cela, vous vous désensibilisez à ces sons. Ça peut mieux fonctionner avec un type de musique que vous aimez, et peut-être différemment avec le type de musique que vous n'aimez pas. Mais jouez avec ça. Voici une situation où vous pouvez mettre en place quelques exercices simples qui pourraient vous être utiles. Et si une personne souffre d'une sorte de phobie sociale, que ce n'est pas envers les sons qu'elle est hypersensible, c'est plutôt quand elle va à une fête ou qu'elle rencontre des inconnus. Est-ce que vous lui demanderiez de faire les mêmes expériences? Qu'elle se mette dans ces situations pour tester ses limites et essayer de les repousser? Eh bien, vous pouvez utiliser votre imagination. Alors, imaginez que vous êtes chez vous, tranquille avec votre chat. Vous pouvez vous imaginer en train de vous préparer pour aller boire un thé ou un café avec un ami. Puis, un autre ami arrive. Encore une fois, remarquez vos sensations corporelles, vos pensées, vos sensations, vos émotions. Puis ils vous disent « Il y a une fête ce soir, tu veux venir avec nous ?» À nouveau, remarquez vos sensations, vos émotions, vos réactions et travaillez avec ça. Il y a une forme de thérapie comportementale qui fonctionne comme ça. Vous exposez progressivement la personne à la chose qui lui fait peur. La différence ici, et la raison pour laquelle je pense que c'est beaucoup plus puissant, est que vous travaillez avec les sensations corporelles qui se produisent en réponse à ces images, en réponse à ces situations. Quand l'expérience corporelle change, alors toutes nos émotions changent. C'est toute l'idée de mon livre « Guérir par-delà les mots ». Donc, pour toutes ces choses que vous évitez, et auxquelles vous pouvez vous exposer progressivement et en toute sécurité, vous travaillez seulement avec les sensations intérieures, avec la conscience, en ressentant la contraction, l'expansion, les changements de température, les tremblements, les secousses, tout ce qui se passe. Et puis vous revenez en arrière et regardez à nouveau cette image, cette situation, ou dans le cas de Johan, vous montez le son. Remarquez simplement quelle est la réponse à présent. Et en faisant cela, vous pouvez vous désensibiliser à ces phobies et obtenir beaucoup plus de liberté dans votre vie. Est-ce que ça pourrait être un moyen de diagnostiquer un trauma oublié ou un trauma dont vous n'êtes pas conscient? Par exemple, si vous vous retrouvez crispé dans certaines situations sans savoir pourquoi, cela pourrait-il indiquer que vous avez un trauma de ce genre? C'est possible. Mais rappelez-vous, les phobies sont aussi basées sur des prédispositions biologiques. Par exemple, certains ont peur des serpents alors qu'ils n'ont jamais vu de serpent en face. Oh, je vois. Ok. Les enfants reçoivent des décharges électriques en mettant leurs doigts dans les prises. Et la plupart des gens ne développent pas de phobie des prises électriques. Dans les situations sociales, nous pouvons être en groupe où quelqu'un peut prendre une pierre ou un bâton pour nous frapper la tête. Donc, il pourrait y avoir une anxiété sous-jacente due à d'autres raisons qui se manifestent par une phobie sociale. Donc ce n'est pas aussi simple que je le voudrais. C'est exact, désolé pour ça. Oui, j'aime répondre à des questions concernant des personnes qui ont des difficultés avec ce qu'on leur a demandé de faire. J'en ai une de Bob qui dit « Vous dites qu'il faut se souvenir de tout ce qu'on a vécu face à un trauma. Quand vous vous souvenez de l'impuissance et du pouvoir qui alternent en vous, sur quoi devez-vous vous concentrer si vous n'avez jamais senti de pouvoir ou de puissance ?» Ok, je vais vous donner à tous un autre exercice, très utile, très puissant. Vous tous, pensez à un moment aujourd'hui, dans les 12 dernières heures, où vous vous êtes senti le plus vous-même, ou comment vous aimeriez vous sentir, ou quand vous vous êtes senti moins anxieux, moins craintif, ou moins en souffrance, ou peut-être quand vous avez ressenti du plaisir, de la bonté. Je veux que vous pensiez à un moment de cette journée où vous vous êtes senti plus vous-même, ce que vous voudriez être, où vous vous êtes senti moins anxieux, moins tendu, moins en souffrance, où vous avez ressenti un sentiment de plaisir ou de bonté. Pendant que vous pensez à cet événement, parce qu'il doit y avoir un événement, n'est-ce pas? Parce qu'il y a toujours un moment où vous vous êtes senti le plus comme ceci ou comme cela. Personne ne passe 12 heures entières à ressentir la même chose. Donc, quand vous remarquez cette image ou ce moment, gardez cette image dans votre esprit. Faites des allers-retours entre l'image de ce qui vous a fait vous sentir le plus proche de vous-même, de ce que vous voudriez être ou ce que vous voudriez ressentir. Je me souviens d'avoir marché avec mon chien le matin et d'avoir vu la joie de mon chien lorsqu'il a attrapé la laisse et me traînait dehors. Donc, faites des allers-retours entre cette image et une sensation corporelle que vous avez. Ensuite, refaites l'exercice. Mais cette fois-ci, pensez à un autre événement des 2 ou 3 derniers jours, où vous vous êtes senti le plus vous-même, ce que vous voudriez ressentir, ce que vous voudriez être. Un moment où vous vous êtes senti moins anxieux, moins tendu ou moins crispé, où vous avez ressenti moins de douleur, ou un moment où vous avez ressenti du plaisir, de la joie. Encore une fois, faites la même chose. Faites des allers-retours entre l'image et ce que vous ressentez dans votre corps. C'est un exercice très utile. Il y a aussi les exercices dans le CD de mon livre « Healing Trauma », « Guérir les traumas » en français. Je donne un certain nombre d'exercices que vous pouvez faire qui aideront à stabiliser certains îlots de bonté. C'est un peu comme quand vous le faites une fois. Vous obtenez une petite île dans cette mer déchaînée de traumas. Ensuite, vous le refaites et vous obtenez une autre petite île, et puis une autre. Et finalement, ces îles, c'est comme si elles se touchaient les unes les autres. Elles se connectent et vous obtenez maintenant une île qui peut vraiment commencer à vous protéger des violentes tempêtes du trauma. C'est un très bon exercice. Je le recommande à tout le monde. Et surtout, quand chaque fois que vous tentez une introspection, vous ressentez de l'impuissance ou de la détresse. Encore une fois, il y a de nombreux exercices pour aider à restaurer sa puissance. Et ils sont illustrés. Donc, je vous recommande vraiment d'étudier ces exercices. J'aime cette idée d'un îlot de sécurité et ensuite de construire. Vous savez, des îlots disparates. Si vous en construisez suffisamment, ils commencent à se connecter et vous pouvez réellement marcher d'un endroit à l'autre. Un autre type de questions que j'aime poser, ce sont des questions auxquelles vous seul pouvez répondre. En voici justement une. Elle vient de Margarita. Elle dit « Je travaille avec des enfants immigrés dans un milieu scolaire. J'aimerais votre avis sur le fait d'aider les enfants quand ils sont activés et ont envie de quitter la classe. Par exemple, s'ils viennent d'un camp de réfugiés et que nous sommes entourés par une zone de guerre. Que peuvent faire les enseignants pour favoriser la régulation chez ces enfants pendant la présence en classe ? Oh, Margarita, oui, les enfants immigrés, vous savez, ce n'est pas facile pour eux. Je veux dire, certains de ces enfants étaient réfugiés. Ils venaient d'endroits violents où leur vie et celle de leurs parents étaient menacées. Et puis, vous avez des enfants d'immigrés. Il y a un certain nombre d'exemples aux États-Unis qui sont terrifiés à l'idée que la police débarque. Et les fasse partir, les emmène loin de leur famille. Malheureusement, il y a une part de vérité dans tout cela. Alors, comment travailler avec les enfants pour les aider à gérer cette situation? Il y a différentes choses que vous pouvez faire. J'aimerais avoir plus de temps pour ça, Margarita. Avec une de mes collègues de Bergen, en Norvège, nous avons développé un certain nombre d'exercices de groupe que nous pouvons faire avec les enfants à l'école et qui les aident vraiment à se réguler. Nous en mentionnons quelques-uns dans « Comment aider son enfant à faire face aux épreuves de la vie ». Je m'excuse si j'ai l'air de vendre ma marchandise, mais je fais la promotion de ce livre sans vergogne. Je sais qu'il peut aider beaucoup d'enfants dans de nombreuses situations. Ainsi que je l'ai dit, les enfants immigrés ou réfugiés ont un défi particulier. Mais il ne fait aucun doute que certains de ces exercices de mouvement orientés vers le corps peuvent faire une grande différence dans la capacité des enfants à réguler leur excitation et leur peur pour qu'ils ne soient pas activés à tout instant. Je suis donc heureux que vous fassiez ce travail. Dieu sait que nous avons besoin de beaucoup plus de gens comme vous. Le monde a besoin de plus de gens comme vous. Je sais juste que vous avez travaillé dans tellement de zones de guerre, partout dans le monde, et dans tellement de cultures et de pays déchirés par la guerre et les conflits générationnels. À l'opposé, des gens sont confrontés à des difficultés plutôt normales. Comme Gilles du Maryland, elle dit, est-ce qu'une blessure récurrente est toujours simplement ça? Ou est-ce que les blessures récurrentes sont systématiquement le signe d'une sorte de trauma? Par exemple, dans la première session, vous suggérez de rechercher des événements et ou des accidents dans notre vie qui semblent étrangement répétitifs. Parce qu'ils pourraient bien être le signe d'un trauma non résolu. Je cours beaucoup. Je suis constamment confronté à des entorses, à des tendinites à la cheville gauche. Je me suis foulé et cassé la même cheville à de nombreuses reprises dans ma jeunesse. Est-ce que je dois rechercher une source originelle à ce trauma, datant de ma jeunesse? Ou cela pourrait-il simplement être le résultat d'une activité physique trop intensive, comme on dit dans le milieu sportif? Oui, une pratique sportive excessive pourrait certainement être un facteur, en particulier en cas de blessure répétitive. Quand je vivais à Lyons et que j'avais un cabinet de thérapie, je veux dire, il y a probablement plus de coureurs et de cyclistes à Boulder que partout ailleurs dans le monde, je voyais beaucoup d'athlètes dont la carrière, ou plutôt leur vie d'athlète, était terminée parce qu'ils n'arrêtaient pas de se blesser encore et encore. Je ne dirais pas dans tous les cas, mais dans de nombreux cas, il y avait des schémas sous-jacents. Ce n'étaient pas des coïncidences, c'était un schéma, et il y avait des éléments spécifiques dans ces schémas. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine de l'explorer. Bien sûr, vous devez aussi être prête à prendre votre temps si vous avez une blessure, une inflammation, jusqu'à ce qu'elle soit complètement guérie. Parce que si vous... Enfin, je suppose que c'est assez évident. Mais oui, ça peut être le cas avec les entorses à répétition. Ça peut être le cas, surtout quand ça se produit encore et encore, quand c'est cassé, et quand c'est ceci, et quand c'est cela. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un ou plusieurs événements particuliers où ça s'est produit à l'origine, et où l'enfant a peut-être ressenti une énorme honte ou une humiliation, ou a essayé de le cacher à ses parents. Ce genre de dissimulation se fait en courant dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Cela vaut donc la peine de l'explorer. Alors que recommanderiez-vous? Disons que quelqu'un a eu cette blessure à répétition à la cheville. Elle réalise qu'il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose d'autre qu'une simple blessure physique répétitive. Il y a probablement quelque chose de sous-jacent, et elle n'a aucun souvenir précis de ce qui a pu causer ça. Comment pourrait-elle essayer de gérer cela avec une approche centrée sur le trauma? Eh bien, à travers une approche corporelle. Oui, c'est ce que je voulais dire, oui. Oui. Ok, la cheville était cassée. La cheville était foulée. Donc, je commence par la cheville. Je commence par la cheville et je commence par... Eh bien, je commence par n'importe quelle partie du corps. Remarquez les parties de votre corps où vous vous sentez plus à l'aise, celles où vous vous sentez moins à l'aise. Remarquez ce qui se passe lorsque vous déplacez votre conscience entre ces deux parties. C'est un exercice que vous avez tous déjà fait, ou des exercices similaires. Ensuite, attirez votre attention sur cette zone. Donc, si c'est une cheville ou un poignet, je demande généralement à mes patients de bouger très lentement cette articulation. Si vous faites un test, comme fléchir le pied juste un tout petit peu, très lentement, et ensuite le bouger très lentement vers l'extension, et puis juste le laisser reposer, et remarquez quelles sortes de sensations, d'images, de photos apparaissent. Laissez-moi vous donner un exemple, qui est en fait assez similaire. Un cas, ou une description de ce cas dans « Guérir par-delà les mots » est un pompier qui m'a été envoyé par un kinésithérapeute pour une épaule bloquée. On lui avait donné des médicaments, et ça n'avait pas aidé. Il est allé chez un kinésithérapeute, et celui-ci n'a pas pu améliorer son cas. Et ils étaient inquiets, car l'étape suivante était censée être une intervention appelée manipulation sous anesthésie. Ils endorment la personne et ils tirent le bras. C'est une intervention violente, et ça n'a pas toujours de bons résultats. Vous voulez certainement essayer autre chose avant ça. Quand je lui ai parlé, je lui ai demandé quand il avait eu mal pour la première fois. Il a dit qu'un jour, il a soulevé un moteur pour le mettre dans sa voiture, et il est sûr que c'est ce qui a causé la douleur. Encore une fois, il était aussi manifestement assez... Il était pompier, et il était assez réticent à voir un psychiatre pour parler d'un problème clairement corporel. J'ai dit, non, nous n'allons pas parler de quoi que ce soit de personnel. Nous voulons juste voir si nous pouvons aider votre bras, parce que ce n'est pas une situation confortable. Donc... Je lui ai fait étendre très lentement les doigts. Donc, je lui ai fait étendre très lentement les doigts autant qu'il le pouvait. C'était peut-être 1 centimètre. Je lui ai demandé de les étendre et ensuite de les ramener. Encore une fois, juste un peu plus étendu et ensuite de les ramener. Après avoir fait ça plusieurs fois, il était étonné, parce qu'il n'avait pas fait autant de mouvements depuis sa blessure. Donc, nous avons continué ces petits mouvements de bascule d'avant en arrière. Finalement, il est devenu pâle, et il s'est mis à transpirer. Ses bras et ses épaules se sont mis à trembler. Il m'a regardé et il a dit « Je sais de quoi il s'agit. » Il a dit « Il y a plusieurs mois, je faisais des courses au supermarché, à Berkeley, pour ma femme. Alors que je sortais, j'ai entendu un crash. Il y avait une voiture qui avait percuté un poteau téléphonique. » Il a dit « Je sais ce qu'il faut faire dans cette situation. » J'ai tendu la main pour tourner la clé. J'ai vu que l'enfant sur le siège passager était mort. Il a donc eu l'impulsion d'atteindre la clé pour couper le moteur, puis le réflexe très humain de reculer en voyant cette situation horrible que la mère allait devoir traverser après la mort de l'enfant parce qu'il était lui-même père de famille. C'était ça. Vous voyez, on travaillait avec le symptôme. L'épaule a été blessée à nouveau en soulevant le moteur, mais c'était clairement lié à un autre événement. Encore une fois, je ne cherche pas l'événement. Je cherche à restaurer la fonction. Généralement, il y a un certain rappel, une reconnexion ou une révision d'un événement antérieur. Pas toujours, mais souvent. Quelle expérience incroyable. Le fait de relier la cause de la situation, à ce moment-là inconsciente, et de réaliser soudain que c'était là d'où elle provenait, a dû lui apporter une sensation de lucidité extraordinaire. Exactement. Ça l'a reconnecté à sa vie. Oui. J'ai eu la même expérience, avec non pas un trauma, mais juste une thérapie psychologique. C'est cette clarté qu'elle apporte. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est un processus addictif. De combien d'autres choses je n'ai pas conscience? Exact. J'ai une question à vous poser. C'est une excellente question. Avez-vous déjà appliqué une de ces techniques ou compréhensions aux animaux de compagnie? Je trouve que beaucoup des symptômes et pratiques que vous avez mentionnés pourraient être bénéfiques à mon chien. Et à moi-même, également. Oui, la réponse est oui. J'ai travaillé avec des chiens et des chats. J'ai travaillé avec des serpents. Des serpents ? J'ai travaillé avec un cheval. J'ai travaillé avec... Oh mon Dieu. J'ai travaillé avec un mouton une fois. Je n'ai pas eu beaucoup de chance avec le mouton. Je ne pense pas. Certainement moins intelligent. Mais surtout, j'avais un chien que j'aimais. Il est sur la photo de la 4e de couverture du livre « Réveiller le tigre ». Oh oui, oui, c'est vrai. Oui. C'était un chien vraiment spécial. Un jour, j'enseignais à l'étranger et un ami s'occupait de lui. Il a été renversé par une voiture. Ça lui a déboîté l'os de la hanche. Ils ont dit qu'il ne pourrait peut-être pas remarcher à cause de sa patte. Ils m'ont demandé si je voulais le faire opérer. J'ai dit oui. J'ai travaillé avec le choc de la même façon que j'ai travaillé avec le pompier. Je bougeais ses pattes très lentement. Après quelques mois, il a recommencé à marcher. Je travaillais avec lui, et puis tout d'un coup, il s'est retourné vers moi et a grogné, comme pour m'attaquer. Bien sûr, il n'avait jamais fait ça. Mais j'ai réalisé, une partie de sa colère vient de sa blessure. J'ai donc demandé à un de mes étudiants de travailler avec lui. C'était bon. Il allait bien à la dernière session. Et jusqu'à l'âge de 18 ans, il chassait les lapins et toutes sortes d'animaux des hautes terres dans les montagnes du Colorado. Donc oui, je travaille avec des animaux de compagnie. Si vous ne croyez pas qu'on puisse travailler sur un trauma sans en avoir de souvenirs ou sans parler, les animaux de compagnie sont un bon exemple. Eh bien, nous approchons déjà de la fin. C'est passé si vite. Je veux vraiment vous remercier, Peter, pour votre participation et la joie que vous apportez à tant de gens. Vous les libérez de situations qu'ils pensaient sans issue. J'attends donc avec impatience la prochaine session dans 2 semaines. Les étudiants auront 2 semaines de contenu supplémentaire à réviser et beaucoup plus d'expérience. Nous serons de retour ici dans 2 semaines. Félicitations. Merci Randy, merci à vous. Et merci à toutes les questions que vous avez posées. Je pense que vous avez vraiment aidé les gens à apprendre d'une manière vraiment merveilleuse. Oui, je veux encourager les gens à apprendre. C'est la fin de ce programme, Guérir les traumas. Donc merci Peter et merci à tous ceux qui étaient avec nous. Pour Sunstrew, je suis Randy Rourke. Merci de nous avoir écoutés.